Science Chrono, Antoine Beauchamp. En 1973, le CERN, dont l'histoire avait débuté une vingtaine d'années plus tôt, livrait sa première grande découverte dans le domaine de la physique des particules. Cette découverte, réalisée grâce à une chambre à bulles baptisée Gargamel, est la preuve de l'existence des courants neutres faibles. Elle a marqué un tournant décisif dans l'histoire des sciences au point de devenir l'un des piliers du modèle standard de la physique des particules. Science Chrono revient aujourd'hui sur cette aventure expérimentale qui aurait bien pu ne jamais voir le jour. Bonjour Delphine Blanchard. Bonjour et merci pour cette invitation. Je vous en prie, merci à vous d'être là. Vous êtes doctorante en histoire des sciences au centre Alexandre Coiré de l'EHESS et au comité pour l'histoire du CNRS. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous raconter l'histoire de cette grande réussite du CERN, la première d'une longue série, mais aussi pour nous aider à remettre en perspective cette histoire mouvementée des premières décennies du Conseil européen pour la recherche nucléaire, le CERN. Et pour démarrer en beauté cette émission, je vous propose d'écouter un extrait d'une archive vidéo de 1971, une vidéo produite par le CERN, justement. Après ça, vous comprendrez tout, ou presque, sur le fonctionnement de Gargamel, la chambre à bulles qui a permis de réaliser la découverte des courants neutres faibles. Gargamel. On lui a donné ce nom pour sa taille de géante. Le corps de la chambre de Gargamel est effectivement un grand bidon de 4,80 m de long et 1,90 m de diamètre. Il a fallu le construire avec une précision très supérieure à celle qu'exige la chaudronnerie classique. Le faisceau arrive dans l'axe de la chambre en provenance de l'accélérateur dont la machinerie est synchronisée avec celle de la chambre à bulles. Les particules sont injectées dans l'anneau, accélérées, déviées vers une cible et dirigées vers la chambre. À l'instant où le faisceau entre dans la chambre, il y a brutale décompression du propane, éclairage et prise de photo, recompression du propane. Le cycle est de 1 seconde et demie. Que pour photographier ce qu'il y a de plus petit au monde, des particules, il faille faire appel à l'industrie lourde et usiner d'aussi grosses pièces comme ici le socle de Gargamel, n'est paradoxal qu'en apparence. Car si des particules sont extrêmement petites, leurs trajectoires, notamment celles des neutrinos, sont extrêmement grandes. Il faut donc pouvoir photographier des traces de ces trajectoires aussi longues que possible. Sur le milliard de neutrinos qui entrent ici toutes les secondes et demie, un seul y fait exploser un noyau de propane. Les autres poursuivent leur course jusqu'au bout du système solaire. Aussi, pour photographier un nombre suffisant d'événements neutrinos, Gargamel doit-elle fonctionner pendant des centaines d'heures. 500 000 photos ont été prises au cours de la première expérience. La prise de vue a été automatique. Mais pour le dépouillement des photos, rien ne peut tout à fait remplacer les yeux de la Scanning Girl dans la recherche de la trace fantasque des neutrinos. Voilà cette belle voix des années 70 qui sent presque son Goldorak, comme le soufflait à l'instant le réalisateur de l'émission Olivier Bétard. Delphine Blanchard, je vous ai un peu donné les clés du camion pour la sélection de cette archive. C'est une vidéo qui provient des archives du CERN. Vous avez vous-même réalisé une petite sélection. On a fait un petit montage dans cette vidéo qu'on partagera en entier sur la page de l'émission. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Moi, il y a une chose en tout cas qui m'interpelle en premier lieu, c'est ce nom de Scanning Girl qui sent un peu ces années 70. Des huettes, les dactylos, un peu, voilà. Qui sont ces scanning girls qui avaient une fonction aussi importante à l'époque des premières expérimentations dans le domaine de la physique des particules? Alors effectivement, la vidéo entière, si on avait pu garder toute la vidéo, on aurait gardé toute la vidéo, tout l'extrait sonore. Mais l'émission n'aurait pas eu lieu. L'émission n'aurait pas eu lieu. En tout cas, effectivement, cette fin sur les scanning girls, elle nous interpelle parce que c'est effectivement un métier qui était principalement occupé par des femmes à l'époque, moins rémunéré. Bien entendu que bien d'autres postes plus élevés dans la physique, mais ces scanning girls, elles avaient quand même un rôle qui était absolument indispensable, puisque avec toutes les photos qui étaient prises, puisque on était en face, quand on est devant une chambre à bulles, d'un détecteur photographique, qui prend donc une photo toutes les 1 seconde et demie. Donc effectivement, au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines, années de fonctionnement, on arrive à des millions de photos. qui n'était pas à l'époque traité par des ordinateurs a priori, mais seulement a posteriori, après qu'un humain a fait déjà le premier tri. Et donc, ces scanning girls avaient un rôle absolument déterminant pour identifier en premier lieu quels événements il fallait garder et donc quels événements allaient être ensuite analysés par les équipes de physiciens. Un rôle aussi tellement important qu'elles étaient citées dans les articles, principalement dans les années 50, et puis progressivement, leur nom a disparu, là aussi encore... Une invisibilisation, comme on dit, qui a été assez cruelle. On parle donc de ces scanning girls, de cet aspect à la fois un peu do it yourself, enfin, en tout cas très très concret et très pratique de cette observation par l'œil humain d'événements de collisions de physique des particules. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans cette archive, c'est de rappeler que à l'époque. C'est le top du top en matière de technologie, ces chambres à bulles, on va les décrire. Peut-être avant d'aller à la rencontre de Gargamel, cette chambre à bulles, on peut rappeler le contexte dans lequel s'inscrit cette découverte des courants neutres faibles. Les années 60, dans le domaine de la physique, ça représente quoi dans le domaine de la physique des particules ? Alors les années 60 dans le domaine de la physique des particules, c'est une période qui n'est peut-être pas un tournant, mais en tout cas c'est une période charnière, c'est une période où on a beaucoup d'incertitudes, on cherche beaucoup ce qui va se passer ensuite. On n'a pas vraiment de théorie fiable, ni pour l'interaction faible, ni pour l'interaction forte. La seule théorie vraiment fiable, efficace, prédictive, explicative qu'on ait, c'est l'électrodynamique quantique, qui va d'ailleurs servir de modèle pour les théories de l'interaction faible et de l'interaction forte ensuite. Et donc, dans ces années 60, on ne connaît pas encore les quarks. On connaît le proton, le neutron, l'électron. On connaît le neutrino qu'on a détecté en 56, mais qui avait été prédit 25 ans avant. Voilà, on est dans une période d'incertitude et on essaye aussi quand même... Enfin, on découvre un certain nombre de particules qu'on essaie de classer avec des facteurs, le facteur d'étrangeté, etc. Voilà, on est dans beaucoup d'incertitudes. Et il y a quand même deux... au niveau, en tout cas, de la physique de l'interaction nucléaire, il y a quand même deux communautés qui dialoguent encore à ce moment-là, la communauté des théoriciens ou le groupe des théoriciens, les groupes de théoriciens, puisqu'il y en a beaucoup évidemment, qui commencent à élaborer des théories qu'on appelle des théories de champs quantifiés, hein, avec des théories de jauge, qui commencent donc à introduire l'idée que ces interactions seraient transmises par des bosons. Ça date de la fin des années 50. Mais pendant toute la période des années 60, le fait que l'interaction faible, notamment, soit transmise par un boson est certes accepté, mais en même temps, on n'a pas vraiment de modèle très efficace. Voilà, on envisage, donc si je parle vraiment que l'interaction faible, deux bosons chargés, le W+ et le W-, W pour weak, en anglais, le nom de l'interaction faible, qu'on estime d'ailleurs, la théorie dominante, on appelle la théorie V-A, parce que pour des critères mathématiques à l'intérieur de cette théorie, on estime que le W+ et le W- sont à quelques gigaélectronvolts, donc autrement dit à des masses qui sont de l'ordre de quelques protons, quoi. Alors, ça c'est pour la théorie, mais ce qui est très intéressant, c'est de se dire que voilà, les théoriciens ont toujours un temps d'avance d'une certaine façon sur les expérimentateurs. Comment est-ce que ces tenants d'une théorie de l'interaction faible vont-ils convaincre des expérimentateurs de se lancer à la recherche de ce courant neutre faible? Et pourquoi finalement les expérimentateurs disent ben non, on n'en a pas besoin? Alors en fait, tout au long des années 60, les théoriciens qui ont besoin dans leur théorie des courants neutres sont vraiment à la marge. Hein. C'est des personnes qui font des choses très exotiques dans des petits coins. Les théories dominantes n'ont pas besoin des courants neutres, ce qui fait que tout au long des années 60, eh bien, on ne les cherche pas, ou du moins on ne les cherche pas au bon endroit. Donc évidemment, si on ne les cherche pas, on ne les trouve pas. Oui. Moins difficilement, d'autant plus quand on est avec des détecteurs photographiques, j'aurais peut-être pu le dire au moment de la scanning girl, mais quand on est sur des photos, effectivement, avec une personne que l'on forme pour détecter certains motifs, certaines trajectoires, si la personne n'est pas formée à détecter d'autres trajectoires, visiblement, elle ne va pas les détecter. Donc tout au long des années 60, on cherche pas particulièrement les courants neutres, au point d'ailleurs que quand on envisage Gargamel, on l'envisage pas pour des courants neutres. La situation, elle va changer à partir de 1967, où trois chercheurs qui travaillent indépendamment, donc c'est Abdus Salam, Sheldon Glashow et Steven Weinberg, écrivent une théorie de l'interaction électro-faible en mélangeant, enfin en considérant que l'interaction faible et l'interaction électromagnétique sont en fait deux facettes d'une même force. Leurs publications ont tellement de succès qu'elles ne reçoivent aucune citation jusqu'en 1970. Une belle traversée du désert de 3 ans. Grande traversée du désert. Bon, ça les empêche pas de travailler sur beaucoup d'autres choses. Et en 1970, un jeune étudiant qui s'appelle Gerhard et Hoft, j'espère bien que dit, je n'écorche pas dit. Trop son nom. Je ne ferai pas mieux que vous, ça c'est certain. qui est aidé par Martin Waldman, montre que les théories électrofaibles publiées par Glashow, Salam et Weinberg sont renormalisables, c'est-à-dire qu'on peut couper les infinis de ces théories, et c'est la forme une forme renormalisable, c'est exactement la forme que l'on cherche pour les théories des interactions. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il y a un engouement gigantesque. On passe de 0 citation à des centaines de citations en quelques années. Donc il y a un engouement gigantesque pour la théorie électrofaible et donc pour les courants neutres qui deviennent cette fois indispensables à ces nouvelles formes de théorie. Pour découvrir ces courants neutres indispensables à l'admission de cette nouvelle théorie, il faut développer des instruments adaptés. Alors là, la question des structures justement à construire pour réaliser cette découverte se pose. Pourquoi est-ce que une chambre à bulles est a priori le meilleur instrument, et comment fonctionnent ces chambres à bulles ? Alors, a priori, une chambre à bulles, alors c'est pas les seuls instruments qui existent à cette époque-là. Aujourd'hui, les chambres à bulles ont vraiment quasiment disparu, en tout cas de la recherche de pointe. Elles ont été supplantées dans les années 80 par des détecteurs électroniques, qui sont vraiment la norme aujourd'hui. Dans les années 60, les chambres à bulles sont des technologies de pointe parce qu'elles sont précises. On arrive bien à lire un certain nombre de paramètres. On sait les calculer, on sait les décrire. Et surtout, les chambres à bulles ont un intérêt, c'est qu'elles permettent d'arrêter les neutrinos, ou du moins c'est une manière à l'époque d'envisager de la physique du neutrino. Une neutrino qui est donc une particule qui est extrêmement insaisissable et qui semble être, dès le début des années 60, la particule clé pour étudier l'interaction faible, tout simplement parce que le neutrino n'interagit que par interaction faible. Il n'est pas sensible à l'interaction forte. Il n'est pas chargé électriquement. Électriquement. Et donc, on imagine des dispositifs vraiment destinés à ces faisceaux de neutrinos, tout en sachant qu'au début des années 60 au CERN, on a déjà des faisceaux de neutrinos qui ne sont pas du tout efficaces, puisqu'on a 4 à 5 événements par jour sur le site du CERN. Et quand on cherche des événements rares, puisque toutes les théories quantiques répondent à une statistique, quand on cherche des événements rares pour tester des théories, 4 à 5 événements par jour, c'est trop peu. Très, très insuffisant. Alors, le CERN, on en parle. Alors, on ne va pas pouvoir refaire toute l'histoire du CERN, mais peut-être situer au tournant des années 70 où se situe cette organisation européenne pour la recherche nucléaire, qu'on ne baptise pas OERN, parce que ce serait trop compliqué à dire dans toutes les langues. On a gardé le nom premier CERN, le Conseil européen pour la recherche nucléaire. Il en est où, le CERN, dans les années 70? Et pourquoi il y a pas mal de doutes qui habitent les responsables de cette organisation? Alors, dans les années 70, ça commence un petit peu à se stabiliser davantage, mais pendant toute la période de préparation de l'expérience Gargamel dans les années 60, effectivement, on est dans une période de réflexion intense au CERN. Déjà parce qu'il y a des problèmes budgétaires récurrents, on a des engagements financiers qui sont annuels la plupart du temps, et les physiciens essaient de militer pour avoir des engagements sur plusieurs années. C'est comme si on voulait faire une fusée et qu'on finançait la fusée année après année. Exactement. Ça marche pas. Et d'autant plus que les constantes de temps des expériences s'allonge, on a besoin de beaucoup de temps pour les concevoir, pour les construire, pour ensuite les exploiter. Donc on est dans une période un petit peu charnière comme ça. On est aussi dans une période, le CERN a été fondé en 1954. Dans toute cette première décennie d'existence, il a du mal à rattraper, à concurrencer en termes de primauté de la découverte les États-Unis. Et donc, effectivement, le CERN essaye de chercher à être le premier à faire une découverte. Et donc, beaucoup de ces décisions sont prises aussi en fonction de cela. C'est d'ailleurs quelque chose qui va être décisif pour la décision de faire et de porter le projet Gargamel. Donc le CERN, voilà, est dans une période un petit peu de transition, tout en sachant qu'il y a aussi une certaine incertitude sur son avenir. Le CERN est financé, c'est une organisation intergouvernementale, donc qui est financée par des États membres en plus de leurs propres recherches, et donc il a cette obligation supplémentaire par rapport aux laboratoires américains de donner du travail à un grand nombre de physiciens, un grand nombre d'équipes de recherche à travers tous ces États membres, pour simplement maintenir leur intérêt, maintenir les financements. Et tout ceci, voilà, fait que c'est un contexte effectivement qui va être très en faveur d'un projet comme Gargamel, qui est prévu pour arriver rapidement. Une chambre à bulles à liquide lourd, c'est un petit peu moins difficile à concevoir qu'une chambre à bulles à hydrogène. Quelle est la différence entre les deux et pourquoi on opte pour une chambre à bulles à liquide lourd, ce qui justement à l'époque ne fait pas consensus au sein du CERN. Gargamel, ça a failli ne pas voir le jour. Alors Gargamel a failli ne pas voir le jour aussi parce que le CERN donc, était en période de crise budgétaire récurrente et donc le CERN n'était pas certain d'avoir les financements suffisants pour pouvoir avoir deux chambres à bulles. Ce qui a été décisif, c'est le fait que la France a accepté, la France à travers le CEA, hein, le Commissariat à l'énergie atomique, a accepté de financer quasiment l'intégralité de la construction de Gargamel dans les laboratoires, au département Saturne du CEA. Donc voilà. Mmh. Et la différence entre les chambres à bulles à liquide lourd et les chambres à hydrogène tient principalement au fait que il y en a plusieurs. Il y a le fait que déjà la plupart des physiciens préfèrent les chambres à bulles à hydrogène parce que les trajectoires sont plus faciles à calculer. On n'a que des noyaux d'hydrogène ou d'hydrogène de deutérium, donc voilà, les calculs sont plus évidents. Seulement on perd une partie des informations. Les neutrinos, si on veut faire de la physique du neutrino, les neutrinos sont mieux arrêtés par des liquides lourds. Donc si on veut tester l'interaction faible avec des neutrinos, effectivement c'est plus intéressant d'aller sur du liquide lourd. Le liquide lourd a aussi une versatilité plus importante. On peut mettre plusieurs types de liquides. Donc ça, voilà, tout ça, c'est des arguments. Et il y a un argument qui est quand même aussi important, c'est le fait que comme les liquides lourds sont moins courus que les chambres à hydrogène, c'est un terrain qui est un petit peu moins balisé. Mmh. Et donc certains chercheurs se disent que c'est peut-être l'occasion de briller avec des liquides lourds, ce qui est le cas notamment d'André Lagarrigue et de son équipe du laboratoire de l'École Polytechnique, qui vont donc œuvrer pour que Gargamel se fasse, soit financé par le CEA et soit une chambre à bulles à liquide lourd. À liquide lourd, donc quand on parle de liquide lourd, on parle de propane, on parle de fréon, et on rappelle que dans l'archive, justement, on entendait que le neutrino avait une trajectoire fantasque, et c'est pour ça que ces liquides lourds vont avoir leur importance pour freiner, en tout cas ce neutrino, en tout cas le contraindre un peu plus dans ses trajectoires. On va en arriver, bien sûr, à cette première preuve des courants neutres faibles. On parlait de chambre à bulles qui permettent qui sont comme des pièges photographiques finalement pour ces neutrinos et les interactions qu'ils peuvent avoir. Je vais réaliser quelque chose d'absolument pas radiophonique, mais je vous montre cette image Delphine Blanchard de la toute première preuve de courant neutre faible. Est-ce que vous pouvez nous la décrire et nous dire à quoi ça pourrait éventuellement vous faire penser? Moi, ça me fait penser à une espèce de photo de constellation de galaxies un peu. Tout à fait. Tout à fait, je suis absolument d'accord avec vous. Moi aussi, en voyant cette image, la première chose qui me viendrait, ce serait une image de galaxie. En l'occurrence, ce n'est pas le cas, c'est l'image de l'intérieur, donc de la chambre, enfin une image prise à l'intérieur de la chambre à bulles Gargamel. C'est une image qui chronologiquement ne correspond pas à la première découverte des courants neutres, mais en fait à la dernière avant la grande annonce. Mais c'est une image sur laquelle on peut voir, si on a l'œil qu'il faut pour la voir, c'est-à-dire si on a été formé pour, parce que vu comme ça, effectivement, c'est pas très explicite. On voit une petite arabesque. Ici ? Voilà, exactement. Une petite arabesque, enfin une succession de petites arabesques qui sont en fait des traces d'électrons qui sont les produits de l'interaction d'un neutrino avec un neutrino, sachant que donc c'est un courant neutre leptonique puisqu'il ne met en charge que des, il ne met en situation que des leptons. En l'occurrence, donc, les neutrinos et les électrons. Donc, les neutrinos sont invisibles, par contre, les neutrinos incidents et aussi sortants, puisque ce sont des particules qui ne sont pas chargées, donc elles ne réagissent pas, elles n'apparaissent pas. Elles font réagir les autres, et donc c'est effectivement ce que l'on voit, et les ronds que l'on voit, en fait, c'est simplement les ronds noirs que l'on peut voir, c'est simplement des artifices, des petits points qu'on a tracés, et c'est ce qu'on voit dans la vidéo, d'ailleurs, on le voit très bien dans l'archive, des petits points qu'on a tracés sur les hublots des objectifs pour éviter que les objectifs soient trop éclairés, pour éviter d'avoir les flashs des autres, donc c'est... Mais c'est pour ça que ça ressemble à une galaxie. Cette image fait partie donc de ces images clés pour prouver l'existence des courants neutres faibles. Pourtant, à nouveau, des contestations s'élèvent, des gens disent non, c'est pas du tout une preuve. Pourquoi est-ce que aux États-Unis notamment, on dit ça n'est pas une découverte? Alors, au départ, en fait, donc l'annonce est faite en juillet 1973, et on présente à cette occasion deux types d'événements de courants neutres qu'on n'attendait pas nécessairement, mais qu'on a fini par chercher. On présente une centaine d'événements hadroniques, donc qui mettent en situation un électron qui a percuté qui a interagi avec un neutron ou un proton du liquide du fréon. Du liquide à l'intérieur de la chambre à bulles, et un seul événement leptonique, qui est donc l'image que l'on vient de commenter. Les premières réactions, alors déjà la manière dont la collaboration Gargamel présente cette découverte, c'est une manière très prudente. Eux-mêmes sont relativement sûrs parce qu'ils ont en fait observé ces événements et les ont analysés plusieurs mois auparavant. Ils ont donc déjà pris beaucoup de précautions pour tester le bruit de fond, pour tester des paramètres qui auraient pu éventuellement perturber leur interprétation. Ouais. Tout à fait. Mais ils sont donc eux sont très prudents, mais par contre la communauté internationale des scientifiques, une partie en tout cas, va assez rapidement dire qu'effectivement c'est de la découverte des courants neutres. Et en l'occurrence, il y a deux expériences principales concurrentes aux États-Unis, une avec une chambre à bulles au Fermilab et une avec un détecteur électronique dans une collaboration qu'on appelle HPW pour Harvard, Pennsylvanie, Wisconsin. Et au départ, en 1973, les deux collaborations américaines sont assez d'accord et ont eux-mêmes observé commence à observer quelque chose qui pourrait ressembler à des courants neutres. Seulement, voilà, il y a quand même une partie des théoriciens qui n'est pas, partout dans le monde, y compris en CERN, qui n'est pas totalement convaincue par les théories de jauge qui sous-tendent ces courants neutres, ni par la théorie donc électrofaible de Glashow, Salam et Weinberg, et qui, du coup, émettent un certain nombre de réserves. Et l'équipe américaine de HPW décide à l'automne suivant de modifier légèrement son dispositif expérimental. Et après cette modification, les courants neutres disparaissent. Ça pose problème, ça. Ce qui pose problème, et comme ce sont des physiciens qui ont une grande renommée à l'époque, la communauté globalement va avoir une petite tendance à croire ces physiciens plutôt que ceux de Gargamel. Il y a une chose, alors. Un an après l'annonce faite par l'équipe de Gargamel, les États-Unis finissent quand même par trouver aussi cette trace des courants neutres faibles dans leurs observations. Mais il y a deux choses que je trouve totalement folles dans cette histoire. C'est le fait que, un, en 67, on avait déjà fait des photographies de ces courants neutres faibles, mais comme on ne les cherchait pas, on ne les avait pas trouvés. Donc c'est un peu comme en archéologie, on ne trouve que ce qu'on cherche finalement dans le domaine de la physique des particules. Et deuxième chose complètement folle, c'est qu'on base une annonce aussi importante sur un seul et unique cliché, ce qui aujourd'hui, dans le domaine de la physique des particules, qui compte sur la répétition statistique des observations, serait impensable. Alors, l'annonce de 1973, elle est basée sur un cliché leptonique, qui est celui qu'on a commenté, et sur une centaine de clichés hadroniques. D'accord. Alors, le cliché leptonique va retenir l'attention parce que, une fois encore, l'interaction forte n'y intervient pas. Ça correspond aussi à ce que Gerhardt et Toft a calculé en termes de sections efficaces, en termes de paramètres divers et variés. Et donc, c'est un cliché qui est tellement dans les clous de la théorie que c'est un cliché qui séduit beaucoup les théoriciens, mais l'adhésion va être quand même plutôt apportée grâce à la centaine de clichés de courants neutres hadroniques. Et votre deuxième question, pardonnez-moi. La deuxième question, c'était sur le fait qu'on ne cherchait, on ne trouvait que ce qu'on cherchait. Absolument, oui. C'est tout à fait manifeste de ces chambres à bulles. Globalement, même de la physique en général, ce que ça montre, c'est qu'en fait, on a dans cette découverte des courants neutres différentes interactions entre les groupes de théoriciens et les groupes d'expérimentateurs, et que quand les théoriciens et les expérimentateurs sont persuadés qu'on n'a pas de courant neutre, effectivement, on n'en trouve pas. Par contre, quand les théoriciens commencent à indiquer et à sonner l'alarme en disant « cherchez absolument ces courants neutres » et que les expérimentateurs les recherchent, là, ils les ont trouvés. Et le succès de la découverte des courants neutres faibles est confirmé 10 ans plus tard avec la découverte des messagers de l'interaction faible, les bosons Z et W qui vaudront à leur découvreur le prix Nobel de physique. On arrive bientôt au terme de cette émission déjà, Delphine Blanchard. J'aimerais peut-être, pour conclure cette émission, que vous nous disiez, voilà, qu'est-ce que ça nous dit de l'histoire de la physique et de l'histoire des sciences, cette découverte des courants neutres faibles, qui peut-être, pour le grand public, ne signifie pas grand-chose, mais qui, pour l'histoire de la physique des particules, est capitale. Alors cette histoire, elle a beaucoup de choses, elle a beaucoup d'intérêt sur plein de domaines différents. En fait, on pourrait totalement l'étudier d'un point de vue d'histoire institutionnelle, d'histoire des disciplines, de l'histoire des pratiques aussi. Ça nous éclaire beaucoup sur la manière dont les groupes de théoriciens et d'expérimentateurs interagissaient à l'époque, sur la manière dont les choix étaient faits pour les instruments, pour l'analyse des clichés, etc. D'un point de vue de l'histoire des disciplines, c'est une découverte qui a été très importante pour la suite des recherches qui ont été faites. Évidemment, la découverte des bosons intermédiaires W0 et Z0 en 1983 au CERN, mais aussi plus largement ensuite, puisque les recherches qui ont continué au LEP et ensuite au LHC et qui ont mené à la découverte du boson de Higgs découlent directement de la création du modèle standard qui est complètement concomitante avec cette découverte des courants neutres. Merci beaucoup en tout cas Delphine Blanchard de nous avoir éclairé sur les débuts, mine de rien, de la grande aventure du CERN, une aventure qui continue et qui est, comme on le sait, couronnée de très nombreux succès dans le domaine de la physique des particules. Merci à vous. Particulas par Mercedes Peón. Un grand merci à Eve Etienne et à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Sabine Nahuron de l'INA, notre partenaire, pour son aide hebdomadaire dans la recherche d'archives. Et merci à Dalia, aujourd'hui à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.